capté? Ça va là? Tout le monde a capté? J'essaie de trouver les paroles. Quand j'étais gamin, c'est tout. Bon, ça arrive, c'est pas en changeant les copiers. Sauf qu'il y a une publicité qui m'emmerde là. Putain, je comprends pas. Il y a une pub qui bloque tout là. Putain, c'est chiant ces pubs. Thank you. Déconcentré. Ah mais c'est aigu putain. All the light, loving is always on time. All the light.